Chapitre 12e. Monsieur Serpier, ayant étouffé une exclamation, reprit ses recherches dans le tiroir de son bureau. Il dut se rendre à l'évidence. Les deux papiers avaient bien disparu. Qui les avait pris? Mystère. Pas Bougenay, le secrétaire du chef de la sûreté, en effet, était parti le matin même pour Boulogne-sur-Mer, et monsieur Serpier se souvenait d'avoir encore regardé les deux documents vers 9 heures du soir avant de partir perquisitionner. Il appela son planton. Celui-ci n'avait rien vu. Il n'était pas entré dans le cabinet du haut fonctionnaire. Monsieur Serpier, remettant à plus tard le soin d'élucider ce mystère, rechercha machinalement si les feuillets que lui avait remis le professeur Heyman et qui contenaient la traduction des signes mystérieux étaient toujours dans son tiroir. Il les trouva aussitôt. « Ah, ils n'ont pas pu tout enlever, » murmura-t-il. « Ils ont laissé le principal. » Les principales, c'était sans doute les deux papiers avec les hiéroglyphes, monsieur le chef de la sûreté, fit posément Joey Blanquette. Sans répondre à cette boutade, monsieur Serpier murmura. Le premier signe représente les lettres M, N de l'alphabet égyptien. Le second signe se traduit par les lettres N, B. Le troisième signifie M, R. Le quatrième veut dire S apostrophe, signifie H, M. Veut dire MS, signifie SH, signifie G, inutile de continuer. Pour être bref, la traduction s'établit ainsi. En tout cas, voilà la traduction du professeur Heinemann. Premier document, MN, NB, MR, S apostrophe, NB, MS, SH, G apostrophe. Lys, fleur. MR, MR, M, F, B, apostrophe, T, apostrophe, S, N, H, S, N, H, T, T, Y, B, S, P, O, U, apostrophe, H, P. C'est tout. Le professeur Heinemann nous fait observer que l'alphabet égyptien ne contient pas de voyelles et que les lettres sont des signes phonétiques qui ont un sens littéral et un sens symbolique. En tout cas, l'inscription dans les deux cas ne signifie absolument rien. Elle se compose d'une suite de signes sans aucun lien apparent. Il en est de même pour la seconde inscription que le professeur a également traduite. Donc, de ce côté, rien. Reste ce que vous avez entendu à bord du bateau Mouchkorf et les renseignements que peut avoir recueillis M. Blanquette. « Oh, moi, je ne sais pas grand-chose. Harrison, » commença l'anglais, « Pour une fois, monsieur Blanquette, vous n'aurez pas mérité votre réputation, » fit monsieur Serpier, en lui lançant un coup d'œil oblique. « Heureusement que les faits vous démentent un peu, car enfin, vous avez très bien su trouver le repère du bateau mouche, et pour un peu, vous vous seriez trouvé à bord pour écouter les confidences d'Argulian et compagnie. » Le détective britannique ne répondit que par un soupir. « D'après ce qu'a entendu monsieur Korff, » poursuivit le chef de la sûreté, il semblerait résulter que Piebald et ses complices sont persuadés qu'Autodrôle a tué le véritable Joey Blanquette, et que c'est lui qui a enfermé Piebald devant la malle. Il en résulterait qu'Autodrôle est en lutte avec Argoulian pour la possession des perles volées, et qu'Argoulian attend l'arrivée de Teddy, lequel est en Australie, ce qui concorde à peu près avec ce que vous nous avez raconté, monsieur Blanquette. Et je croirais assez que les hiéroglyphes en question constituent un moyen de correspondance entre Teddy et ses complices, entre Teddy et Autodrôle et entre Teddy et Argoulian. Nous avons affaire à une bande solidement organisée, c'est clair. C'est un des bandits qui m'a volé les feuillets aux hiéroglyphes. C'est un autre qui a expédié la lettre explosive au professeur Heinemann. Maintenant, est-ce Autodrôle ou Argoulian ou consort? C'est ce que nous saurons. Nous allons immédiatement perquisitionner à bord des bateaux mouches du quai de Javel, quoique je sois persuadé que nous n'y trouverons rien. Et au lever du soleil, nous serons à la villa d'Anguin, que nous visiterons, ce que nous aurions dû faire depuis longtemps. Monsieur Serpier s'interrompit en voyant Joey Blanquette faire un geste pour parler. « Vous dites, monsieur Blanquette ?»« Oh, rien, je pensais que nous aurons de la chance si nous ne sommes pas assassinés tous. »« C'est notre métier, » observa philosophiquement le chef de la sûreté. Mais assez raisonné, partons. Moins de 20 minutes plus tard, monsieur Serpier, Joey Blanquette et Jérôme Korff, accompagnés de 4 agents de la sûreté, arrivaient dans 2 taxis sur le quai de Javel. Elles éveillaient les gardiens logés dans le ponton, et aussitôt la fouille des bateaux-mouches commençait. Elle ne devait donner aucun résultat. Corfe reconnut facilement le bateau où il avait failli être assassiné. Les barreaux de grille de chaudière étaient encore dans le petit salon. Ils constituaient le seul souvenir de la scène tragique qui s'y était déroulée. Le bachot avait disparu. Aucune trace des bandits. « C'était à prévoir, » déclara M. Serpier. « Nos gens comptaient attirer M. Korff dans ce guet-apens et ne plus revenir ici. Enfin, nous avons bien fait d'éclaircir nos doutes. » « En cela, qu'en pensez-vous, chef ?» fit soudain Korff en brandissant un carré de Bristol souillé de boue qu'il venait de ramasser sur une des marches de l'étroit escalier faisant communiquer le salon du bateau-mouche avec le pont. À la clarté de la torche électrique qu'il tenait à la main, le chef de la sûreté examina le mince carton. Il portait cette figure imprimée. La figure imprimée, une croix en X et deux petits X. Cela ne nous apprend pas grand-chose, grommela M. Serpier, après avoir retourné le Bristol. Comment, chef? Mais ce sont trois X, un triple X. Et l'individu qui m'a sauvé m'a dit se nommer triple X. C'est comme qui dirait sa signature. Qui sait, si nous ne sommes pas en présence d'une comédie destinée à nous. À vous duper, une fois de plus, Korff. Oh, chef, si vous aviez vu les directs qu'il a assenés à ses amis, vous ne diriez pas qu'il est leur complice, protesta l'inspecteur. Alors cette carte prouverait que ce triple X est revenu ici après votre départ. Que pensez-vous de cela, monsieur Blanquette? Je pense que ce sont tous des canailles, et que plus vite nous leur mettrons la main dessus, mieux cela vaudra. Nous avons maintenant assez de preuves pour les arrêter, surtout après l'indigne traitement qu'ils ont fait subir à M. Korff. M. Serpier eut un haussement d'épaule agacé. L'anglais, en lui répondant ainsi, ne se compromettait vraiment pas. « Je résume, dit-il. La bande est divisée en deux camps. L'un qui comprend Piébald, d'Argoulian et d'autres que nous ne connaissons pas, l'autre qui est composé d'autodrôles et de ce triplix. Reste à savoir auquel des deux camps appartenait l'homme qui se faisait appeler comme vous, monsieur Blanquette, et qui est mort dans mon cabinet, et dont le cadavre a disparu. » Nul ne répondit à cette dernière question. Nous n'avons plus rien à faire ici, conclut le chef de la sûreté. Les trois hommes, suivis des inspecteurs, revinrent quai des Orfèvres. 3 heures du matin sonnaient. « Inutile de nous coucher, » fit M. Serpier. « Dans 1 heure, nous partirons pour Enghien, de façon à être devant la villa au lever du soleil, et nous procéderons à une perquisition en règle. En attendant, je vais envoyer 2 hommes rue de Provence au domicile particulier d'Argoulian pour s'assurer de lui dès qu'il sortira. Mais nous pouvons être tranquilles. L'oiseau doit être loin. Il y a longtemps que nous aurions dû nous occuper de lui. Nous ne trouverons certainement rien de plus dans la ville, là, je le crains, murmura M. Blanquette, qui paraissait plutôt affaissé. C'est à voir, fit Korff. M. Serpier envoya chercher une bouteille de cognac qu'il partagea avec ses hôtes. Et par le train de 4h32, le chef de la sûreté, Korff, Joe Blanquette et 2 inspecteurs partirent pour Enghien. Ils durent attendre l'heure légale, en se promenant aux alentours de la villa de M. Argoulian. Enfin, ce fut le moment. M. Serpier, ayant disposé Korff et les 2 inspecteurs de façon à surveiller les abords de la villa, alla sonner à la grille. Pas de réponse. Il sonna encore, et en vain. Sur sa prière, Joe Blanquette s'en fut requérir un serrurier, ce qui prit du temps, car aucune serrurerie n'était encore ouverte. Une grande demi-heure passa avant que l'anglais revînt avec un ouvrier. La serrure de la grille fut ouverte, puis celle de la porte d'entrée. La villa était inhabitée. Tout y était en ordre, aucune trace de départ précipité. Dans le grand salon où s'était présenté Korff, les housses recouvraient les meubles et le grand lustre. M. Serpier et ses compagnons, après avoir rapidement examiné la pièce, passèrent dans les chambres, ouvrant les meubles, les clés étant sur les serrures, et ne découvrant rien de particulier ni d'intéressant. Dans une petite pièce servant de bureau à M. Argoulian, Korff ouvrit tiroirs et secrétaires. Tous étaient vides. Des cendres noires provenant de papier brûlé emplissaient la cheminée. « Ah !» s'écria soudain Korff, qui venait d'ouvrir une porte dissimulée par une tapisserie. Elle donnait sur une petite salle carrée, éclairée par une étroite fenêtre garnie de verre dépoli. Le long des murailles, deux rangs d'étagères supportaient des vitrines de verre où étaient soigneusement rangés des échantillons de diverses pierreries de second ordre. Sardoine, cailloux du Rhin, malachite, onyx, agate, pierre de lune, tous soigneusement étiquetés. Au-dessus de ces vitrines, des tableaux lithographiés représentant les principaux diamants célèbres du monde entier. Le diamant de Tavernier, le diamant bleu de Hope, le Kohinoor, le Régent, l'Orloff, le Sancy. Dans un angle, un petit établi en tôle vernie supportait un tour de lapidaire, des microscopes, un spectroscope, des pinces et une plaque de nickel percée de trous servant à déterminer le calibre des pierreries. Une balance de précision entourée de sébiles d'ébonite complétait ce matériel. Ce n'était en aucun de ces objets qu'avait provoqué l'exclamation de Korff. C'était un squelette admirablement préparé et suspendu à une potence de cuivre qui occupait le milieu d'un des panneaux entre deux vitrines. Ce squelette était muni d'une étiquette attachée par un fil de laiton à un des doigts de sa main gauche. Et sur cette étiquette, il y avait le triple X que Korff avait déjà vu tracé sur la carte trouvée à bord du bateau mouche. « Regardez, chef, » dit-il d'une voix rauque. Monsieur Serpier regarda et vit. « Que pensez-vous de cela ?» demanda Joe Blanquet qui s'était penché sur le squelette. L'émotion de l'anglais devait être énorme pour qu'il montrât ainsi son trouble, lui, l'homme si maître de lui. Il eut une sorte de frisson et se baissant palpa un des tibias du squelette. Il se releva, monsieur Serpier et Korff remarquèrent sa pâleur. « Vous êtes souffrant, monsieur Blanquet ?» questionna le chef de la sûreté. « Non, c'est l'étonnement. Ce squelette, c'est celui d'Otto Drôle. Comment ? Oui, et c'est aussi celui de l'homme qui est mort dans votre cabinet, monsieur Serpier. Je le reconnais. Vous êtes sûr de... Comment pouvez-vous ? Prononcèrent ensemble Korff et le chef de la sûreté. Yes, je savais qu'Otto Drôle avait une cicatrice à la jambe droite. Nous l'avons remarqué quand il a été arrêté à Londres. Cette cicatrice ? Je la retrouve sur son tibia. Tibia. Je me doutais que l'homme qui était mort chez vous, monsieur le chef de la sûreté, c'était Otto Drôle, mais je n'en étais pas sûr. C'est pour cela que j'avais couru à la morgue me rendre compte. Regardez son petit doigt droit, il est recroquevillé. Celui de votre visiteur l'était, celui d'Otto Drôle aussi, car Otto Drôle était atteint d'une lèpre perforante, dont vous voyez les traces sur sa jambe et sur son doigt, son bras.